L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Comprendre le mouvement. Pour comprendre le mouvement, il faut être dans une démarche de recherche de vérité, avec transformation de l'esprit. En effet, notre esprit peut se densifier en créant plus de liens grâce au travail manuel et aux instruments de musique. Tout d'abord, il faut savoir que l'enfant, lorsqu'il a appris à parler et à marcher, a utilisé la réflexion scientifique. En effet, il a testé, fait des expériences, émis des hypothèses, puis, un jour, il a émis l'hypothèse supérieure « je marche ou je parle ». L'enfant est donc un scientifique né. Pourtant, l'école ne développe pas l'esprit scientifique. Or, le métier scientifique est le métier du futur. Écrire une poésie en se disant si permet de trouver une vérité. À force d'avoir envie d'écrire d'autres poésies, on finit par trouver sa vérité. En s'intéressant à la nature, donc à la science, on finit par trouver la vérité. Chaque question amènera une réponse qui poussera notre esprit à trouver une autre question. On élaborera plein d'hypothèses. Seulement, notre esprit élaborera une hypothèse supérieure quand il lira avec notre savoir par la méditation. Lecture. Favoriser la créativité. Comment créer des histoires. Devenir un génie. Mes notes. Définir un thème. Écrire une poésie à propos. Lier dans votre esprit pour émettre une hypothèse supérieure. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.